les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Le 31 janvier 1965, à Henri Bernard, l'architecte de la maison de la radio, qu'on appelait encore la maison de l'ORTF, avait été offert plus de 6 heures d'antenne sur France Culture, dont il avait pu, comme il l'entendait, composer le programme. Un programme qu'il avait principalement dédié à l'architecture et à l'urbanisme, qui pour lui ne faisait qu'un. Durant ces 6 heures, Henri Bernard avait notamment choisi d'animer plusieurs tables rondes. Dans celle que vous allez entendre, Henri Bernard proposait à ses invités, parmi lesquels le grand historien de l'art André Chastel, alors proche d'André Malraux, de se pencher sur l'histoire architecturale et donc urbanistique de Paris, sur son présent d'alors, en envisageant ce que pouvaient être les voies à suivre pour en solutionner les problèmes. La question que posait le débat était au fond, comment faire du Paris de demain une ville moderne, tout en préservant son identité et son patrimoine architectural. Parmi les problèmes abordés, l'un des plus aigus était bien sûr celui que posait la circulation automobile qui ne cessait de gonfler. Comme vous allez l'entendre, certaines des solutions envisagées étaient parfois surprenantes. Comme il vous plaira, Henri Bernard, Paris, capitale d'hier, d'aujourd'hui et de demain, une émission diffusée la première fois le 31 janvier 1965 sur France Culture. Autour de la table sont groupés M. André Chastel, professeur d'histoire de l'art moderne à la Sorbonne, M. Charpentier, architecte urbaniste de Montmartre, et Paul Mémon, qui s'est spécialisé dans l'étude des villes flottantes, notamment pour le Japon. Je pense que si les problèmes de Paris sont tellement difficiles, c'est non seulement du fait de l'ampleur de l'ancienne capitale, je dis l'ancienne parce que maintenant elle prend des chemins peut-être différents, c'est aussi par l'extraordinaire densité d'histoire qui y est enfermée, et je pense que la meilleure manière d'aborder ce sujet est évidemment de demander à André Chastel de bien vouloir nous bâtir, j'allais dire, une sorte de fresque historique qui nous permette de situer le problème, quitte même à prendre des exemples, parce que quand nous parlons de Paris, nous avons tout de même tous dans la tête quantité de rues, de quartiers, de monuments que nous connaissons. Eh bien, cher ami, je crois qu'il faut d'abord se réjouir qu'il y ait tant de discussions en ce moment sur Paris, parce que nous assistons à un phénomène tout à fait nouveau, à mon sens, et heureux pour notre pays, c'est enfin la prise de conscience du lien essentiel qui doit s'établir entre l'urbanisme et l'architecture et l'urbanisme. Ce sens des ensembles, des liens, des compositions, de leur portée sociale et humaine, commence tardivement à apparaître dans notre pays. Vous avez peut-être vu récemment qu'on a publié une traduction de Mumford, et oui, on commence à se pénétrer des discussions qui ont été pendant un demi-siècle celles du monde américain. Il est seulement dommage que ces discussions arrivent chez nous au moins 20 ans trop tard, car c'est vers les années 45-46 qu'il aurait été bon que, justement, la conscience publique fût sérieusement alertée et intéressée à ces problèmes, car rien ne se fait ici sans la participation du public et de l'opinion. C'est une des raisons pour lesquelles nous nous trouvons réunis ici. Laissez-moi parler d'abord un petit peu en historien. Eh bien, je crois que nous pouvons dire que Paris n'est pas une ville, mais un ensemble de villes profondément, intimement mêlées les unes aux autres, et c'est cela qui fait le charme prodigieux et l'attraction incroyable de cette ville. Nous ne pouvons jamais assez l'éprouver nous-mêmes et le dire, et d'autre part la complexité des problèmes en face desquels on se trouve aujourd'hui. Quand je dis, en simplifiant beaucoup, disons qu'il y a au moins deux villes, et tout le monde peut être tout à fait sensible à cette évidence, qui se trouvent complètement mêlées, entrelacées l'une à l'autre. Tout le monde se rappelle Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, la description de Paris vue des tours de Notre-Dame, qui est un des morceaux de littérature qui sont familiers à tous les enfants, du moins je l'espère encore aujourd'hui. Et la description de Paris vue par Victor Hugo est déjà d'ailleurs une polémique contre l'évolution du XIXe siècle, puisqu'il monte Paris à la fin du XVe. Et ce qu'il décrit, c'est un labyrinthe. Et c'est un merveilleux labyrinthe, d'un pittoresque, d'une densité, d'une richesse d'effets merveilleuse qui l'enchante, qui l'enivre et dont il a fait le thème de son livre. Eh bien, c'est qu'en effet, la ville ancienne, la ville du centre, celle qui est en gros à l'intérieur de l'enceinte de Charles V et largement étendue aussi sur la rive gauche, de Saint-Germain-des-Prés jusqu'à Saint-Victor, c'était une ville en forme de labyrinthe, sans grande percée, mais une ville d'une richesse et d'une densité de milieu tout à fait remarquable. La seconde ville, c'est la ville classique, et on peut opposer ici à la notion de labyrinthe la notion de mise en scène, la notion beaucoup plus théâtrale qui a été celle du XVIIe siècle, auquel on doit les merveilleux aménagements dont nous vivons encore aujourd'hui, ceux des Invalides, ceux de la place de la Concorde, le Champ de Mars, etc., oui. N'est-ce pas ? Toutes ces compositions classiques qui, elles, reposent sur l'idée de grands dégagements en fonction de monuments, d'édifices clés par rapport auxquels tout s'ordonne. C'est la conception monarchique, hiérarchique et spectaculaire à la fois de l'urbanisme et de l'architecture. Mais après tout, les Invalides, n'est-ce pas, sont un enchantement quotidien pour tous ceux qui passent les rives de la Seine, grâce précisément à cette conception. Et il y a une page très étonnante de Haussmann dans ses mémoires où il se place idéalement, non pas au détour de Notre-Dame comme Victor Hugo, et nous sommes seulement, n'est-ce pas, 30 ans après Victor Hugo. Oui, c'est très proche, oui. Mais il se place en haut de l'Arc de Triomphe. Il dit « Là, je jouis enfin d'un spectacle qui me satisfait, car je vois de belles percées dans toutes les directions, avec des monuments qui équilibrent d'une manière satisfaisante ces percées. » Donc, l'idée de grandes ouvertures, de grandes voies équilibrées par de belles masses monumentales, c'est l'idée classique, prolongée dans l'ère napoléonienne, reprise à l'époque de Napoléon Ier, et achevée tant bien que mal, couronnée tant bien que mal par l'ensemble haussmannien. Et les deux villes sont tout de même l'une dans l'autre, et la rue de Rivoli, enfin, et toute la percée du centre de Paris, qui est loin de nous donner entièrement satisfaction, et l'expression des conflits qui se sont produits à certains moments entre les deux ensembles. Une analyse historique, ce n'est pas notre sujet de ce matin, mais une analyse historique et topographique un peu serré, permet de voir assez vite qu'il subsiste plus que des vestiges, de vrais morceaux de l'ancienne ville dans des coins où l'on s'imaginerait qu'elle a complètement sombré. Ce qui nous pose aujourd'hui, ce qui vous pose à vous, urbanistes et architectes responsables, des problèmes particulièrement délicats. Sans être trop long, je voudrais insister sur les deux points suivants qui explique pourquoi, malgré l'haussmannisme et le prodigieux et indispensable effort de rénovation et de la ville qui a été accompli à ce moment-là, aujourd'hui, la ville est dans un état de crise tout à fait grave. Oui. Les deux fautes, nous pouvons les appeler ainsi aujourd'hui dans la perspective historique de l'haussmannisme, ça a été d'abord d'arrêter arbitrairement la ville à l'ancienne ceinture, aux fortifications de Thiers, et de ne pas concevoir son extension dans les faubourgs qui ont été laissés dans un abandon qui, il faut bien le dire, est une des hontes de la situation française moderne. Et ça, c'est assez récent, parce que si on regarde les tracés du XVIIe et du XVIIIe siècle, eh bien, l'avenue de Vincennes, dans ses proportions extraordinaires, était tout de même tout à fait à l'extérieur de ce qu'était l'enceinte de l'époque. Il faut songer que les Champs-Élysées ont été tracés, n'est-ce pas, à une époque où c'était bien au-delà de la ville. Et la direction que nous n'avons plus qu'à suivre pour arriver à la Défense, pour trouver la suite de Paris, l'enchaînement des villes complémentaires, est déjà prévu, n'est-ce pas, dans les tracés du XVIIe siècle. Oui, Colbert a déjà vu tout cela d'ensemble. Ce qui prouve que l'opposition des besoins modernes et des partis anciens, souvent, est artificiel, n'est-ce pas ? Et est beaucoup moins grave qu'on ne le pense. La seconde faute de l'haussmannisme dont nous commençons enfin à nous libérer, c'est cette conception de la rue couloir, la rue livrée entièrement à la circulation, qui serait la clé de tout l'urbanisme. Et il y a là, tout le monde, je crois, est d'accord aujourd'hui, une conception qui est maintenant périmée. Mais nous devons souligner qu'elle a donné une structure, j'allais dire, aux administrations, à l'urbanisme naïf de l'administration, qui continue mécaniquement et indéfiniment dans les lignes tracées par l'haussmannisme, c'est-à-dire alignement, élargissement, création de nouvelles voies pour la circulation des voitures. Et c'est un des traits, n'est-ce pas, cette sclérose des administrations, cette répétition mécanique d'un parti qui était utile il y a un demi-siècle ou un siècle, je crois que c'est malheureusement caractéristique de beaucoup d'administrations, mais particulièrement de l'administration française. Oui, parce que, en effet, les grandes coupures d'Haussmann taillées dans le vif d'un tissu conjonctif, mais créaient donc une destruction qu'il fallait bien réanimer d'une certaine manière, d'où à une époque de richesse d'ailleurs, ces constructions qui sont un durcissement, une espèce de croûte avec des bâtiments nouveaux venant séparer la blessure. Qui d'ailleurs, je pense au boulevard Sébastopol, sont extrêmement intéressants. Oui, oui, la conception de l'immeuble de rapport, de l'immeuble capitaliste type, n'est-ce pas, qui est celui du boulevard Sébastopol, est très intéressante aussi comme partie d'architecture. Mais c'était en effet un écran bordant les larges voies soldings de la civilisation moderne et masquant la confusion de la ville ancienne. C'est là que nous retrouvons cet entrelacement, n'est-ce pas, typique de la complexité parisienne de deux domaines. Alors, il y a un petit point qu'il faut souligner maintenant. En quoi cet haussmannisme de la rue, de la prédominance de la rue et de la circulation, est-il dépassé aujourd'hui? Et si nous voyons clairement ce point, je crois que l'opposition que l'on tend toujours, n'est-ce pas, à rendre brutale et inexorable entre les partis modernes et les partis anciens, cette opposition tend à se réduire. La rue haussmannienne est une conception pauvre qui sacrifie tout à la circulation. Pourquoi ? Parce qu'elle fait perdre la notion de la rue milieu. La rue milieu, c'est-à-dire la rue pour le piéton, la rue où l'on circule, où l'on se promène, où l'on flâne, où l'on fait ses affaires éventuellement. Et c'est une des redécouvertes de l'urbanisme moderne, même et surtout dans les pays du Nouveau Monde, que cette redécouverte de la rue. Je me souviens avec quelle surprise, il y a 3 ou 4 ans, dans les revues américaines, me trouvant à New York, je voyais des séries d'articles où l'on chantait les mérites de la rue à piéton, de la rue sans voiture, qui est un repos, et où enfin, n'est-ce pas, l'existence s'épanouit. C'était fait avec la candeur et l'énergie typique du monde américain. Nous n'avons pas à faire la même découverte, puisque les rues les plus fameuses et plus extraordinaires de Paris, c'est la rue Saint-Honoré, c'est la rue Mouffetard, pour prendre des exemples très divers, et qui sont des rues colorées, intéressantes du point de vue social, caractéristiques de Paris, et sans lesquelles, je pense, enfin, cette capitale n'aurait plus du tout sa saveur et sa signification. Or, permettez que je vous coupe la parole. Je vous en prie. Il y a quelque chose qui m'a toujours assez surpris, c'est que, disons, sous Charles X, sous Louis-Philippe, on a construit beaucoup dans Paris ce qu'on appellerait des galeries couvertes. Et ces galeries couvertes qui existent encore sont complètement désuètes. Il n'y a plus personne. On peut se demander si ce n'était pas justement déjà le sentiment de la rue, voilà, de piéton. Une observation, et c'est ça qui m'inquiète. Tout à fait judicieuse. Et vous savez quel succès ont eu ces galeries couvertes, il est vrai, étendues et monumentalisées en Italie, par exemple, à Milan ou à Naples, oui, n'est-ce pas, où elles sont tout naturellement le cœur de la cité. En France, elles n'ont pas beaucoup pris. À Paris en particulièrement. Mais il y a des villes où on les conserverait plus volontiers. Mais il y a là, en effet, une première expérience dans le sens que nous décrivons en ce moment. J'aimerais savoir comment Paul Mémont réagit sur ces problèmes, notamment de circulation et de mailles circulatoires, compte tenu de ce que vient de dire André Chastel sur les tracés d'Haussmann. Bien, je crois qu'en effet, il faut reprendre la structure de Paris. Nous devons respirer, nous devons circuler. Pour circuler, il faut que l'autostrade pénètre dans la ville. C'est assez compliqué alors et réalisé, surtout dans la ville ancienne. Là, je crois que la seule solution, c'est de passer sous terre. Il n'est pas question de détruire les quartiers historiques, ce que nous appelons l'hexagone sacré, les 7 premiers arrondissements. Ailleurs, je pense que, en faisant ça soigneusement, on doit éviter facilement tout ce qui a de la valeur, et on pourrait créer de larges percées de large pénétration de 250 mètres de large, au centre desquels passeraient en remblé tout le trafic lourd et au-dessus les circulations tourisme légère. Ceci pourrait résoudre le grand maillage, la grande pénétration des circulations. L'hexagone sacré pourrait être ceinturé par une rocade intérieure. Dans cet hexagone sacré, la circulation principale par une voie naturelle qui est la Seine, mais pas seulement en surface, mais aussi sous son lit. Et nous pourrions récupérer là un terrain inemployé de 220 hectares et réaliser un grand axe technique qui permettrait de traverser d'est en ouest très rapidement Paris et de créer ce que nous appelons la cave et le grenier de Paris, c'est-à-dire la possibilité de débarrasser Paris de ce qu'il encombre, de tous ses dépôts. Et on pourrait trouver là des destinations très, très nombreuses. Ensuite, il y a le problème de la respiration. Il nous faut des espaces verts. Nous en avons trop peu. Il faudrait que chaque mère de famille puisse rapidement, c'est-à-dire en moins de 10 minutes, trouver près de chez elle un jardin, au moins de la taille du Luxembourg. Il nous faudrait, j'ai calculé, environ une trentaine de nouveaux jardins du Luxembourg. Pour réaliser cela, eh bien, il nous faut de l'argent. Comment avoir cet argent? Eh bien, je pense qu'il suffirait de faire l'inventaire de nos disponibilités. Nous avons un domaine public qui représente un héritage. Cet héritage a souvent pris de la valeur. Nous avons, par exemple, tous les terrains qui se trouvent sur les voies ferrées que l'on peut récupérer. Et nous avons aussi deux héritages fabuleux qui sont le bois de Vincennes et le bois de Boulogne. Ils ont environ centuplés. Et il serait intéressant de vendre certaines parties de ces bois pour les transformer dans Paris en 1000 hectares environ de jardins de la taille du Luxembourg, c'est-à-dire d'environ 33 hectares. Nous pourrions de la sorte Précise un peu ta pensée, parce que je vois que Charpentier fait des bons. Il n'est pas question de construire la totalité de ces deux bois dans ta pensée. Non, il suffirait d'en prendre quelques parties. Un ruban, tu as dit. Le bois de Boulogne fait 880 hectares, le bois de Vincennes fait 967 hectares, c'est donc immense, et il suffirait de vendre une centaine d'hectares du bois de Boulogne, une centaine du bois de Vincennes, pour récupérer une masse importante d'argent qui représenterait environ 800 milliards d'anciens francs. Et j'ai calculé que ces 800 milliards suffiraient à amorcer la pompe, suffiraient à créer toutes les liaisons routières dont je parlais tout à l'heure, les jardins qui nous manquent, et ensuite d'organiser une croissance de Paris. Et là, j'étais tout à fait heureux d'entendre M. Chastel tout à l'heure dire que Paris est formé de plusieurs villes. Je crois qu'il faut restructurer Paris. Paris a une croissance désorganisée. Il faut maintenant faire les équipements collectifs qu'on n'a pas eu le temps de faire ou qu'on n'a pas voulu faire par manque d'argent. Il faudrait donc retrouver des centres et redécomposer Paris et son extension en villes de 450 à 500 000 habitants, avec un centre très organisé, avec tous les équipements collectifs d'une ville de 500 000 habitants, et ces centres situés sur les grands axes de pénétration dans Paris. Vous voulez dire à la périphérie, n'est-ce pas? En périphérie, naturellement, en périphérie, oui. Et la ville se développant ensuite par une sorte de croissance organique. C'est ça. Oui, c'est ces nouveaux centres dont vous parlez, servant d'articulation, les articulations qui manquent entre le grand centre de Paris actuel, enfin qui est relativement petit en fait, étant donné l'échelle du district, et puis cette énorme périphérie qui reste à traiter, exactement, presque intégralement à traiter. Oui, je crois qu'il y a une notion très importante. Chaque fois qu'on parle de Paris, on a toujours tendance à le limiter, parce que l'homme est toujours l'enfant qui pense à l'image, à le limiter au tracé, disons, de Thiers, qui est le tracé de l'enceinte de Louis-Philippe. Mais il est certain que le problème de l'intérieur et de l'extérieur ne peut pas être dissocié, et que je vois dans la proposition de Mémon, justement, on parle de l'extérieur pour aller vers l'intérieur. Qu'en pense Charpentier? Je pense justement que cette limite de Paris, qui est toujours cette frontière de M. Thiers, est absolument ridicule et qu'il aurait fallu la crever depuis longtemps. Mais actuellement, nous apercevons malheureusement que l'administration n'a pas pensé actuellement, pour des raisons politiques, à faire cette extension absolument indispensable, puisqu'on va diviser cette région parisienne en plusieurs départements, en sous-sections, en tranches. Je crois quand même qu'il y a un district, non ? Mais ce district, district actuellement n'a pas donné jusqu'à nos jours ce que nous en attendons, malheureusement. Il faut lui faire confiance. Les documents vont sortir prochainement. L'espérons, mais actuellement, tout de même, Paris ne s'appellera plus Paris au-delà d'une certaine limite, et ceci est très grave. Car je pense toujours au côté psychologique qui est important, c'est que la grande firme étrangère ou européenne, puisque Paris peut peut-être devenir une ville européenne, enfin nous l'espérons, elle l'est déjà d'ailleurs, c'est la ville cosmopolite. Mais il est certain que la grande firme étrangère ne viendra à Paris que si elle a pour adresse Paris. Or, elle n'ira pas pour adresse Corbeil ou Saint-Denis ou Chelles ou etc. Elle viendra à Paris. Or, nous multiplions actuellement ces données qui sont peut-être psychologiques, mais qui sont fort importantes. Et le monsieur qui vient d'un coin de l'Europe ou du monde viendra encore s'installer dans le 17e arrondissement parce qu'il est très snob d'avoir son bureau dans le 17e arrondissement. Et on continuera à sacrifier et à massacrer le Paris. Auquel il ne faudrait pas toucher. Alors il y a un problème là, évidemment, tu le touches du doigt, c'est un problème général en France, c'est le problème des limites communales. Il est bien certain que si ce problème n'est déjà pas tranché en province... Il est loin d'être tranché en province. Il est crucial à Paris. Cette enceinte, absolument, c'est la limite de la commune de Paris, et avec ça, toute l'histoire qui est là derrière. Quoique cette commune se soit étendue sur Auteuil, sur Passy, et pas... Bien sûr, c'est pas si ancien. La solution eût été d'augmenter le nombre d'arrondissements, et non pas de le réduire maintenant à une nouvelle frontière qu'il faudra bien détruire dans quelques années, car l'essentiel, cher ami, cher Charpentier, c'est tout de même la nouvelle articulation urbanistique telle qu'on nous l'indiquait tout à l'heure, n'est-ce pas, plus que la question d'adresse à proprement parler. Oui, je parle de cela parce que je pense que ça a tout de même une importance psychologique. Et bien, c'est parce que nous en parlions avec les frontières de Mémont. Mais je pense que Paris doit s'augmenter. On nous a parlé d'un Paris de 16 millions d'habitants, le district nous en a parlé. Il est certain qu'on ne peut pas mettre ces 16 millions d'habitants dans le cœur du Paris actuel. Il faudra l'agrandir. Lorsque nous sortons immédiatement de Paris, par exemple, lorsque nous prenons la porte Champagne, nous apercevons immédiatement que là, il n'y a plus rien. C'est le désert, ce sont des baraques, ce sont des garages, et c'est là où la ville moderne pourrait se faire, et c'est là où personne ne trouverait d'extraordinaire de mettre des immeubles de 60 mètres de haut, de 80 mètres de 200 mètres. C'est une entreprise passionnante, n'est-ce pas, qui est l'affaire de notre génération. Mais remarquez que déjà des études sont en cours. Par exemple, tu parles du secteur Champéret, déjà des études importantes sont en cours dans tout ce secteur-là. Oui, mais pas assez ambitieuse. Oui, moi, je pense que tu es venu mettre le drapeau, toi, justement, sur le Paris de demain, en faisant cette maison de la radio dans laquelle nous sommes. Malheureusement, on t'a empêché de faire là peut-être le monument plus important encore, bien qu'il est mal placé parce qu'il est trop entouré, il est trop encaqué dans les immeubles, dans cette trame parisienne. Mais tu es venu mettre là le drapeau de l'extension. C'est cette ponctuation de monuments qui doit amener le Paris de demain et le long de la rive de Seine, bien entendu. Par conséquent, c'est d'autres monuments qu'il faudrait mettre au-delà de cette limite et si vous permettez de faire la ville nouvelle autour. Un mot, cher ami, là on peut regretter que les habitudes françaises vraisemblablement ne vont pas permettre assez d'audace dans les compositions architecturales. Ah, ça, c'est là où il faudra nous défendre, parce qu'il est autant je défends, vous le savez, le site intérieur parisien, autant je pense que nous sommes d'une timidité absolument ridicule dans l'extension, voilà. Même à la défense où cette opération était la seule valable de l'avenir de Paris, puisque c'est vraiment là où on pouvait s'exprimer, où les architectes pouvaient s'exprimer. Mais on trouve une timidité qui est absolument navrante dans l'architecture et le point, à mon avis, sur lequel il convient d'insister, puisque je crois que nous sommes au moment où il faudrait conclure, c'est qu'il y a une sorte de compensation vitale à établir. Et cette compensation est absolument nécessaire à toute conception sociale et urbanistique d'aujourd'hui. La ville est intéressante dans la mesure où elle est profondément différenciée et où elle offre un visage architectural et urbanistique divers. Alors, le centre nous intéresse. Et nous ne voulons pas que ce soit un Williamsburg, n'est-ce pas, une ville de folklore et de pantomime. Il faut que ce soit une ville conservée parce que c'est la profondeur, c'est la signification historique de la ville et de la ville ancienne qui continue à s'y exprimer, parce qu'elle est une délectation pour le public, un besoin de repos et de satisfaction profonde. Mais il faut qu'elle soit en balance avec des expériences novatrices qui seront la nouvelle preuve de vitalité de notre pays et particulièrement de la ville. Oui, mais une chose m'inquiète toujours, qui est une notion qui court les rues actuellement et qui se dit de bouche à oreille et même dans des bouches très importantes, cette notion, vous les architectes modernes, allez donc construire à 100 km de Paris. Je pense qu'il serait très grave d'admettre qu'on ne puisse construire aujourd'hui qu'à partir d'une certaine distance de Notre-Dame. Je pense que nous nous acheminerions vers une ville qui va pourrir complètement, et non seulement le cœur de Paris et le cœur de la France, il est indispensable d'affronter l'architecture du passé, dans des proportions pas étudiées d'ailleurs, sous certains vélums, avec l'architecture d'aujourd'hui et de demain, si l'on ne veut pas que les étrangers considèrent que nous sommes devenus simplement des archéologues qui passent leur semaine au marché aux puces. J'ai été frappé de voir à l'étranger combien ceux qui s'intéressent véritablement à la France et à Paris s'inquiètent de savoir ce que nous allons faire de cette ville et de ne pas y voir surgir, ce qui ne veut pas dire des verticales d'ailleurs, de ne pas y voir surgir des quartiers complètement aménagés que l'on ne repousse pas forcément à la périphérie. Je pense, Bernard, que tu as tout à fait raison, mais le Paris dont tu parles ne doit pas être restreint aux frontières des fermiers généraux, mais bien au-delà. Le Paris des frontières des fermiers généraux est une toute petite chose, c'est une toute petite enceinte. Le nouveau Paris va avoir 100 km de distance, il ira de Senlis à Melun, et il ira probablement de Corbeil à Mantes. Par conséquent, c'est là où il faut faire le nouveau Paris, c'est là où on pourra avoir toute la latitude de faire des choses extraordinaire. Je ne pense pas qu'il faut faire ça ni dans le quartier des Halles, ni dans le quartier du Marais, ni dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, ni même dans le quartier du 17e. Ce serait là une grave erreur. Et ce Paris-là est tout petit. Et ce que nous souhaitons conserver, ce que nous souhaitons léguer à nos successeurs, ce que nous souhaitons léguer comme histoire de l'architecture, doit être bien au-delà des frontières de nos familles généraux. Je crois que nous devons revenir à cette idée que Paris est une ville complexe, comportant un grand nombre d'aspects mêlés les uns aux autres. Et c'est à la fois la règle pour la conservation et, il me semble aussi, une indication pour le futur. Je ne peux pas ne pas revenir sur cette conception de Charpentier qui, tout de même, avec beaucoup de gentillesse, nous explique que le futur commencera à 50 km de Paris. Nous entendons malheureusement aujourd'hui, chaque jour, tomber des lèvres, parfois les plus augustes, des paroles qui ne visent guère qu'à conforter un état actuel, dont on serait d'ailleurs très surpris si l'on allait un peu sur place visiter certaines arrière-cours au voisinage de la rue de Rivoli. Il me paraîtrait scandaleux d'exiler aujourd'hui l'architecture moderne. Ce serait la première fois dans l'histoire du monde que l'on verrait telle attitude. À toutes les époques créatrices, on a construit, en respectant le passé sans doute, mais sans être verrouillé par lui. À toute époque, on a démoli pour reconstruire, et finalement, il ne reste des siècles passés probablement que le meilleur et le plus solide. L'habitat du Moyen-Âge a à peu près disparu de toutes nos villes. Je pense qu'il faut absolument se méfier de cet ostracisme. La présence de ces bâtiments anciens, de ces vieux hôtels du Marais, naturellement doit être conservée, améliorée, remise en état. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille sauver tout ce qui est autour. J'entends bien que le problème de l'entourage se pose, mais je suis persuadé que le problème de Paris est d'abord un problème de qualité et que la qualité d'immeubles d'aujourd'hui, affrontée à l'architecture ancienne, sera indispensable pour justement permettre de déterminer dans celle-ci ce qui est valable et ce qui ne l'est pas. Il faut conserver le monument qui règne sur un quartier, qu'il domine, qu'il compose et qui a en général ses éléments d'accompagnement immédiats, disons les Invalides avec les formes des places ou l'école militaire avec les profils et les implantations qui les entourent. Je pense qu'en second lieu, il faut sauver et restaurer et réhabiliter ce que j'appellerais les grandes ordonnances urbaines. Citons par exemple la rue de Rivoli qui est une évidence. Je pense que troisièmement, il y a ce que j'appellerais les unités d'harmonie. Et prenons par exemple l'île Saint-Louis, les quais de l'île Saint-Louis. Peut-être encore, alors disons, des éléments que j'appellerais le pittoresque ou des éléments qui sont le souvenir de personnages majeurs, la maison de Clémenceau, l'atelier de Delacroix. Mais il faut bien se dire tout de même que les deux tiers de Paris, et évidemment à la périphérie surtout, sont composés de quartiers sans aucun caractère, sans âme, sans équipement, sans ambiance vivante, et il faut se mettre dans l'idée qu'il faudra bien les reconstruire. Le problème également de Paris consiste à ne pas toujours enserrer le réel entre deux catégories, ce qui est à l'intérieur des murs, le Paris intramuros, et le Paris de l'extérieur. Il est bien certain que cette limite, qui est la limite communale, a considérablement aggravé les problèmes d'osmose entre le cœur et l'extérieur, mais je pense qu'il faudra jusqu'au cœur apporter les impératifs d'aujourd'hui et non pas laisser le cœur pourrir, sans quoi nos enfants ne nous le pardonneraient pas. Si je devais conclure, je dirais que le Paris d'aujourd'hui est dû à l'audace d'hier et que le Paris de demain exige l'audace d'aujourd'hui. C'était « Comme il vous plaira » avec Henri Bernard, Paris, capitale d'hier, d'aujourd'hui et de demain, une émission diffusée la première fois le 31 janvier 1965 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.